Chapitre 34. Le cheval, qualité d'un bon cheval, soin à donner aux chevaux. Un bon animal ne coûte pas plus à nourrir qu'un mauvais, et rapporte beaucoup plus. Le lendemain, de bon matin, M. Gertal, c'était le nom du Jurassien, éveilla les deux enfants. André mit ses habits de travail. « Venez avec moi, dit M. Gertal, je vais vous montrer à soigner mon cheval Pierrot. Je tiens à ce qu'il soit bien soigné, car il me coûte cher et me rend de grands services. Et puis c'est pour moi un compagnon fidèle. » André descendit à l'écurie avec son nouveau patron, et Julien, qui aimait les animaux, ne manqua pas de le suivre. Pierrot était un bel et bon animal. Sa robe baie brun, signe de vivacité et de courage, son œil grand, sa tête assez petite et ses reins solides, indiquaient que M. Gertal l'avait choisi en connaisseur. Pierrot n'avait jamais été maltraité. Aussi était-il doux, et Julien lui-même pouvait en approcher sans danger. Le cheval fut étrié et brossé avec soin. « Voyez-vous, mes enfants, disait M. Gertal, la propreté est pour les animaux ce qu'elle est pour l'homme, le meilleur moyen d'entretenir la santé. » Tout en parlant ainsi, M. Gertal dirigeait l'étrille et la brosse avec courage, et on voyait à chaque coup de l'étrille la poussière tomber abondante par terre, tandis que le poil devenait plus luisant. « Vraiment, dit le petit Julien, Pierrot comprend sans doute que c'est pour son bien, car il a l'air trop content. » « Oui, certes, cela le soulage, et il le sent bien. Vois-tu, Julien, la peau des animaux, comme celle de l'homme, est percée d'une multitude de petits trous appelés pores, par lesquels s'échappe la sueur. Et la sueur sert à purifier le sang. Quand la poussière et la malpropreté bouchent ces milliers de petits trous, le sang se vicie, et la santé s'altère chez les animaux comme chez l'homme. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le jeu de l'étrille équivaut à un picotin d'avoine. La main engraisse autant que la nourriture. » La toilette de Pierrot finie, on le conduisit à l'abreuvoir. « André, dit M. Gertal, tu le ramèneras au pas et non en le faisant trotter, comme font tant de garçons étourdis. Un cheval qui revient de l'abreuvoir doit toujours être ramené tranquillement, pour bien digérer l'eau qu'il a bu. » Lorsque Pierrot revint de l'abreuvoir, on lui donna sa ration d'avoine. « Tiens, dit Julien, on a fait boire Pierrot avant de lui donner à manger. » « Oui, certes, on doit faire boire le cheval avant de lui donner l'avoine. Retiens cela, petit. » Car c'est une chose importante que bien des gens ignorent. Si au contraire le cheval boit après avoir mangé l'avoine, l'eau entraîne les grains hors de l'estomac avant qu'ils soient digérés complètement, et l'animal est mal nourri. Remarque-le aussi, je ne vais atteler Pierrot qu'une heure après son dîner, parce que je le ferai trotter et qu'on ne doit pas faire trotter un cheval qui vient de manger, si on veut qu'il digère bien sa nourriture. Est-ce que tout le monde prend ses précautions, M. Gertal? Non. Il y en a bien d'autres encore que l'on néglige. Les uns remettent sur le cheval le harnais mouillé qui le refroidit. D'autres négligent de jeter sur son dos une couverture de laine quand ils sont forcés de le faire arrêter et qu'il est en sueur. D'autres le mènent boire quand il est en transpiration ou lui donnent de l'eau trop fraîche. Tous ceux qui font ainsi agissent contre leurs intérêts. Un cheval mal soigné ne tarde pas à perdre sa vigueur et à tomber malade. C'est une grosse perte. Surtout pour les petits marchands comme moi. En toute chose, le chemin de la ruine, mes enfants, c'est la négligence. Le cheval de trait. La France est le pays qui possède les races de chevaux les plus belles et les plus variées. La meilleure race pour traîner les lourds chariots est la race boulonnaise. La meilleure pour traîner plus rapidement des fardeaux moins lourds est la race percheronne. Mais la plus élégante et la plus rapide à la course est la race normande, dans le Calvados.